En chinois, le mot femme ou épouse se dit Tai, tai. Tai. Doigt noir pointé vers le sol pour le premier Tai. Le deuxième Tai. Avec le poing fermé Tai, tai. Pour dire épouse. Donc nous allons avoir un doigt noir pointé vers le sol suivi d'un poing fermé. C'est très fréquent avec de nombreux mots chinois comme Tai, tai. Est-ce que c'est un rapport avec le mot pour dire trop? Eh bien, c'est le même caractère, mais ce n'est pas le même sens. Mais c'est le même son. Oui, c'est ça. Nous avons aussi ce genre de mots en français, des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose, comme « il cultive son champ » et « le chant des sirènes ». Et comme le chinois possède moins de sons que le français, ces mots-là sont plus nombreux. C'était un polygame Tai, qui avait deux épouses Tai, et qui les appelait Tai, Tai. Maintenant, traduisez, c'est son épouse là. Dites d'abord ce ou celle-là. Na. Est. Shi. Son. Ta de. Épouse. Tai, tai. C'est son épouse là. Celle-là est son épouse. Na shi ta de. Tai, tai. Maintenant, dites-moi, est-elle occupée? Elle? Ta. Occupée? Ren mang. Alors, c'est une question. Alors, n'oubliez pas la règle des deux syllabes. Ta mang ma. Est-elle occupée? Ta mang ma. Donc, il ne vous faut que deux syllabes. Alors, pour « elle est très occupée », elle, ta, très, hen, occupée, man, elle est très occupée, ta, hen, man. Comment dira-t-on « mon épouse et moi sommes trop occupés maintenant » Alors, mon, wo, de, épouse, tai tai. Et he, moi, wo. Maintenant, xian cai. Trop occupé. Tai mang. Mon épouse et moi sommes trop occupés maintenant. Wo de tai tai he wo xian cai. Tai mang. Alors, comment direz-vous « Pourquoi ton épouse est-elle trop occupée pour me voir maintenant ?» Ce qui en chinois devient « Pourquoi ton épouse maintenant trop occupée ne pas pouvoir voir moi ?» Alors, dites-moi « Pourquoi ?» Wei. Wei shen ma. Ton. Ni de. Épouse. Tai, tai. Maintenant. Xian zai. Trop occupé. Tai, mang. Ne pas pouvoir. Pu, non. Voir ou rencontrer. Jian. Moi ou je. Comment dites-vous occupé? Mang. Et comment dites-vous pouvoir? Non. Et maintenant, comment dites-vous ne pas pouvoir? Bu, non. Pourquoi ton épouse est-elle trop occupée maintenant pour me voir? Wei shen me ni de tai tai xian zai tai mang bu neng. Comment direz-vous? Parce qu'elle voudrait regarder la télévision, elle ne peut pas te voir maintenant. Alors, parce que? Yin wei. Elle. Ta. vouloir, avoir envie de. 想 regarder télévision. 看电视 elle. 她 maintenant. 现在 ne pas pouvoir. 不能 voir ou rencontrer. 见 toi, tu. 你 parce qu'elle voudrait regarder la télévision, elle ne peut pas te voir maintenant. 因为她想看电视，她现在不能见你。